Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Voici les titres du journal. Les syndicats font un geste pour les étudiants, syndicats de la SNCB, en reportant 3 jours de grève en janvier, mais ils ne suppriment pas leurs actions pour autant. Nous irons au quartier général de la police montée à Etterbeek, la police à cheval qui va voir ses effectifs réduits, décision du gouvernement. Une relation sexuelle contre un cours d'auto-école, un phénomène qui se répand aux Pays-Bas. Les autorités ne trouvent pas cela illégal. Le journal avec Marianne Brillo. Bonsoir à tous. Ils vont sortir du cube de verre dans un peu plus d'une heure maintenant à Charleroi. Sarah, Cyril et Sébastien décomptent les minutes. Mais ils attendent toujours vos dons pour les enfants précarisés 1/4 en communauté française. C'est la marraine de Viva for Life, Zazie, qui va libérer nos animateurs tout à l'heure. Cette grande opération de la solidarité aura duré 6 jours et 6 nuits en direct. Radio, télé, web, ils étaient plus de 120 à se relayer. Cédric Loriot s'est rendu dans les coulisses cet après-midi. Crois qu'il fallait me chercher le char en gros plan. Le cockpit, comme on l'appelle, les coulisses du cube. Ici, technicien, réalisateur, script, coordinateur web, travaille sans relâche depuis le début de Viva for Life. Yannick Coquelet, ingénieur du son. On se sent solidaire de l'opération et on crée des liens pour être solidaire entre nous. Derrière le cube, que tout le monde voit, c'est beaucoup de technique et beaucoup de coups durs. Et donc, cette solidarité, elle permet de dépasser ces coups durs. Ça forme des liens très fort pour toute l'année dans le travail. Nicolas Lemartyr, ingénieur du son également, termine son dernier service. Ah oui, moi c'était ma première expérience, c'était vraiment très très chouette, super bonne ambiance, vraiment de voir les carolos bouger comme ça pour l'opération, c'était vraiment très très chouette à voir. Ici tu peux désannoncer dans la pub. Pour Viva for Life, Mélanie Joris a joué le rôle de l'oreillette. Entre 6h et 14h, je parle dans l'oreille de 2 animateurs. Bah, on est toujours content que ça se termine parce que c'est assez éprouvant, mais on espère surtout que ce soir le compteur va exploser et va nous remettre plein la vue. Sur la place de la digue, David Céréal a, comme ses nombreux collègues caméramans, filmé 24 heures sur 24 tout ce qui se passait dans ou devant le cube. On se sent assez satisfait justement d'avoir fait le travail, d'avoir fait profiter aux gens tout le bonheur qui s'est produit ici, la solidarité des gens qui ont permis justement de récolter un maximum de dons. Et donc voilà, on se sent assez satisfait quoi, et assez content, aussi proche du dénouement. Un reportage de Cédric Loriot dans les coulisses du Cube de Verre et continuez à faire vos dons jusqu'au bout. Le soulagement pour les étudiants, les syndicats ont décidé de reporter 3 de leurs 5 jours de grève en janvier à la SNCB et en pleine période d'examen, le 21, 22, 23 janvier. On reporte à plus tard après les sessions d'examen. Pierre Magos a demandé à Opaline Meunier de l'Union des étudiants francophones si son organisation avait volé au secours des syndicats. C'était pas la démarche de base, c'était surtout de voler au secours des étudiants qui sont bloqués, qui n'arriveront pas à leur examen parce que tous les ans, à chaque grève, quand ce genre de grève arrive pendant les examens, notre service juridique est débordé d'étudiants qui se retrouvent avec un zéro ou avec une cote de pénalité et qui doivent repasser leurs examens en août. Et donc nous, notre démarche de base, c'était de venir au secours de ces étudiants-là qui n'avaient vraiment aucune autre alternative que le rail pour aller à leurs examens. Et donc c'est surtout eux qu'on a voulu protéger. Ouais, la présidente de l'UNICOF, Opaline Meunier, la grève reste maintenue pour les dates du 6 et 7 janvier. Il y aura des examens organisés ces jours-là. Sur le fond, rien n'est réglé à la SNCB. Le gouvernement refuse toujours d'envoyer des conciliateurs sociaux tant que les préavis ne seront pas levés. Un dernier conseil des ministres avant les vacances. Le gouvernement fédéral a décidé le maintien de militaires sur le terrain pour un mois supplémentaire jusqu'au 20 janvier. Il s'agit toujours d'assurer la surveillance de certains sites et institutions. Alors que la police s'investit dans les drones, elle doit aussi réaliser des efforts. Ailleurs, le gouvernement vient d'annoncer une réforme de la police avec une réduction des effectifs de la police montée. Il ne restera plus que 2 pelotons sur 3 actuellement. Hélène Maquet s'est rendue à leur QG, à la caserne d'Etterbeek. Il suffit de passer la barrière de la caserne et déjà, l'odeur d'écurie monte. Alors ici, on est dans le seul complexe de la police fédérale où il y a des chevaux. C'est à Etterbeek, à Bruxelles. Benoît Vanout est à la tête de la direction sécurité publique de la police. Paradoxalement, pour lui, l'annonce de la diminution du nombre de cavaliers est plutôt un soulagement. Il craignait la suppression pure et simple de la police montée. Je me réjouis tout à fait que cet outil d'appui extraordinaire puisse être maintenu. Oui. Un outil déjà en pleine mutation, puisque depuis 2014, les policiers sont tenus de s'ouvrir à de nouveaux métiers au sein de la direction sécurité publique. Mais tous ces cavaliers, de toute façon, ont d'autres casquettes. Ce sont eux aussi qu'ils sortent en arroseuse, qui sortent en équipe de preuve, en équipe d'arrestation, etc. Pour les 150 cavaliers et 160 chevaux de la caserne, il va falloir faire des choix. La réforme impose un effectif de 80 unités opérationnelles. Les calculs sont en cours pour savoir combien de chevaux et combien de cavaliers au sein de la direction sécurité publique on va maintenir. Les effectifs diminuent, alors la cavalerie risque-t-elle un jour de disparaître ? Je crois personnellement, mais c'est à titre tout à fait personnel, que le cheval est un outil extraordinaire dans le travail moderne de la police. Moi, je remarque que dans tous les pays d'Europe, on recrée ou on augmente même les unités montées. À l'heure actuelle, la cavalerie ne parvient à répondre qu'à un tiers des demandes de mission. Payer son cours d'auto-école en nature, le phénomène prend de l'ampleur aux Pays-Bas. Les ministres néerlandais des Transports et de la Justice qualifient de pratique cette pratique de légale, bien qu'elle ne soit pas souhaitable. Voilà qui interpelle. On voit cela avec Catherine Tonnerreau. Aux Pays-Bas, un moniteur d'auto-école peut donc proposer des cours en échange d'une passe en toute légalité. À condition, l'élève doit être majeur et consentant. Les sites proposant ce type de service se multiplient. Le phénomène n'étonne pas vraiment Michel Fies, sociologue de la jeunesse au Centre national de la recherche scientifique à Paris. Il pointe la fonction marchande acquise par le corps dans nos sociétés. Le corps est un objet parmi d'autres qu'on va utiliser s'il permet d'obtenir une gratification, un avantage, ce qui est le cas, évidemment, dans l'affaire de ces jeunes filles offrant leur corps pour se payer des leçons d'auto-école. Une pratique qui s'apparente à de la prostitution, mais qui n'en est pas, selon les autorités néerlandaises, argumentant que l'offre de service n'émane pas de l'élève, mais du moniteur. Des moniteurs qui ne doivent pas obligatoirement fournir de certificat de bonne conduite chez nos voisins, comme c'est le cas chez nous. Concetta Deletto, présidente de la Fédération belge des auto-écoles agréées. En Belgique, en plus des brevets, de la sélection médicale, du recyclage. Avant de mettre quelqu'un au travail, nous devons fournir donc à nos autorités compétentes un certificat de bonne conduite vie et mœurs. Ça veut dire aussi que là, il y a un prix qui n'existe pas en Hollande. Ouvrons la porte à toutes les dérives. Reportage Catherine Tonnerreau. Un mot de football encore. Anderlecht se déplace ce soir à Lokeren. C'est un match d'alignement de la 16e journée de Pro League. Un objectif pour les Mauves, prendre la deuxième place en revenant à 3 points du leader La Gantoise. Début du match à 20h30. Merci de votre attention. Tout de suite, on rejoint nos trois animateurs dans les Cubes de Verre à Charleroi. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Après vous être farci les embouteillages, offrez-vous de bonnes petites cailles chez Intermarché. On va se faire ce point RTBF Mobile Info, Adrien Demey. Ça va, oui. Ça va bien. Maintenant qu'on les a tous mis, on peut y aller. Oui, je crois que c'est bon là. Alors, ça ralentit pour rejoindre la frontière française au niveau de Anzy. C'est sur le 42, venant de Mons évidemment. Vous perdez une trentaine de minutes ce soir à cette heure-ci, à partir d'Autra jusqu'à la frontière à Anzy, donc en direction de la France. Perturbation conséquente donc dans ce secteur. À Bruxelles, ça ralentit dans certains tunnels. Tunnel Arlois jusqu'au Trône en direction du Midi. Le tunnel Louise est concerné également vers Kuckelberg, ainsi que le tunnel Stéphanie vers le centre-ville. Et puis sur le ring de Bruxelles, on nous signale à l'instant cet accident qui s'est produit en circulation intérieure à hauteur de Grand Bigard. La bande de gauche est en travers à hauteur du kilomètre 47. C'est vers Zaventem. Viva for life. Viva for life. Sarah de Padua, Sébastien Nolvo et Cyril. Dernière ligne droite, 1h, 5 minutes et 10 secondes. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrira. Et c'est logiquement à partir de ce moment-là qu'on découvrira le montant de cette édition Viva for Live 2015. On a hâte, non pas de sortir, hein, de découvrir ce fameux montant. Alors, on va vous dire qu'il n'est pas trop tard pour acheter nos petites mascottes au profit de Viva for Live. Ici, place de la digue. Et vous êtes très nombreux. Je ne sais pas si vous m'entendez, place de la digue. Est-ce que je peux, moi, vous entendre ? Ah ouais, alors là, effectivement, ça fait du monde. Il y a plein de trucs à vendre sur la boutique RTBF aussi. Des petits nounours qui peuvent être toujours sympas, parce qu'avec un nounours, qu'est-ce qu'on fait avec un nounours ? Moi, je dors avec nounours dans mes bras. Ah oui, on fait dodo avec nounours dans nos bras. Et quand on sait que les bénéfices de la vente de ces nounours iront à l'enfance défavorisée, moins de 6 ans, ils ont moins de 6 ans nos boutchous qui vivent sous le seuil de pauvreté. Tu m'étonnes que c'est dur d'être vrai bébé. 1 sur 4 vit dans des conditions un peu précaires. C'est pour ça qu'on se bat. Il reste un peu plus d'une heure et on n'a pas fini de mettre toutes nos forces dans cette bataille. Je vous rappelle que le call center est là aussi pour accueillir toutes vos demandes musicales. Je rappelle aussi que le site Viva for Life est là évidemment pour toutes vos demandes, pour toutes vos infos, pour tous vos dons. 0800 30 007 vivaforlife.be. Le SMS, c'est le 4001. Vous qui êtes sur la place, vous qui êtes dans les voitures en rentrant du boulot, vous qui nous écoutez n'importe où, vous prenez votre téléphone portable 4001, le numéro de votre compte en espace et le montant dédié à la cause Viva for Life. Il reste aussi, et c'est le dernier moyen de verser à la cause, il reste le compte bancaire 8 × 0 37 37. C'est là toute dernière ligne droite. Mais là, on est vraiment au bout du bout. On a besoin de vous. C'est pas fini. Allez-y. Un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. On l'a dit pendant plus de 140 heures. 80 000 bébés ont des difficultés. 80 000 enfants de moins de 6 ans ont des difficultés concrètes. On vous a présenté plein d'ASBL qui œuvrent sur le terrain de l'enfance précarisée. Elles sont 140 à demander l'argent qu'on va récolter dans cette édition 2015. Aidez tous ces gens pour que l'avenir des enfants soit un petit peu meilleur, pour que leur soirée soit plus jolie, pour que leur jour soit embelli, pour qu'ils aient tout simplement des repas corrects pendant la journée, pour qu'ils aient tout simplement des étoiles dans les yeux. Vivaforlife.be. N'oubliez pas, c'est pas fini. 0800 30 007. On met toutes nos forces dans la bataille. Faites du bruit, place de la digue, pour montrer votre motivation. On découvre le compteur dans quelques heures. the Streets Have No Name avec le groupe U2, une demande de Geert de Wannebeek et 50 euros de plus dans la cagnotte de Viva for Life. Merci pour ce que vous faites pour les autres. De rien, c'est avec plaisir. Et on a encore besoin de vous au call center Enalou 0800 30 007. On retrouve Caroline Dor. Est-ce que les téléphones chauffent, Caro? Les téléphones chauffent, ils ne chauffent pas encore assez. Dernière ligne droite, on a prévu de battre les 10 000 appels ici au centre Enalo à Gosselies, pas très loin de vous. Finalement, presque 10 000. Donc il vous reste une heure, un peu plus d'une heure, pour pouvoir encore faire vos dons. 0800 30 007. C'est le moment, c'est l'instant, c'est maintenant qu'ils font donner. Il y a des gens de partout. Il y a du Luxembourg, il y a de France, il y a de Suisse aussi tout à l'heure. Donc vraiment, les gens sont généreux au-delà de la frontière belge et c'est absolument merveilleux et on sent l'émotion ici. Le centre Enalo est en effervescence, on sent que c'est la dernière ligne droite et tous les bénévoles, et là ils sont quasi 100 parce qu'ils se sont tous rassemblés, et bien eux aussi sont impatients comme vous Sébastien de découvrir le montant que vous avez récolté pour tous ces enfants qui en ont besoin. Et au nom de ces bénévoles, et bien on voulait vous dire aussi merci Sébastien, merci Sarah, merci Cyril, merci tout le monde, les bénévoles vont vous applaudir. C'est gentil, mais merci à vous parce que sans ces bénévoles, on n'aurait pas été bien loin. On a besoin de cette mobilisation générale et il y a eu un monde de dingue qui a travaillé en coulisses derrière nous trois. Ouais, et énorme, on ne le dira jamais énorme. Assez. Merci à vous. C'est grâce à vous que cette opération sera, j'espère, un succès. Mais c'est pas fini, hein. Comme Caroline vous le disiez, il reste un peu moins d'une heure. Donc faites chauffer les téléphones. On n'en a pas assez. On veut faire exploser ce compteur. 0800 30 007. Père Noël, attendez! Pas le temps! Je file chez Cash Converters! Pas bête ça pour les bons plans cadeaux. Cash Converters vous aidera à trouver quel paquet placer sous le sapin. Cash Converters! 4 magasins dans la région, à Ans, Herstal, Liège et Serein. Cette année, il y a de la magie en dessous de votre sapin. Faites toujours plaisir. Offrez un coffret cadeau du Château des Thermes de Chauxfontaine. C'est tellement facile de ne pas se tromper. Château des Thermes! Commandez sans tarder. Toutes les infos sur châteaudesthermes.be. Vivacité et la Une présentent. Le Festival du Cirque Européen fête son 25e anniversaire jusqu'au 3 janvier dans le Parc d'Avoy de Liège. Le plus beau spectacle de cirque traditionnel. Avec cette année, la Reine des Neiges et le clou du spectacle, Vénus des USA, les cascadeurs à moto dans la sphère d'acier. Info 04 222 28 82. Le Spar de Guy. Notre pâté maison, le champagne, eh bien Guy, on ne se refuse rien. Bah, quand je reçois, je prends le meilleur. Oh bah tu as bien raison. Puis à ce prix-là. Bah oui. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Parfait pour un dîner de fête. Et par tranche d'achat de 100 euros, vous recevez une réduction de 10 euros valable en janvier, voire conditions en magasin. Il est de retour dans son costume rouge, passant de cheminée en cheminée, prêt à tout pour accomplir sa mission. En décembre, soyez prêts pour le Père Noël, le retour. BTV, Hollywoodise les fêtes et dépose sous le sapin les meilleurs films inédits et des séries exclusives, comme Cendrillon, Fast and Furious 7 et Under the Dome saison 3. En ce moment, BTV est à 24,90€ par mois pendant 6 mois. Abonnez-vous au 02 730 40 50. BTV, déchaînez-vous. Ah oui, déchaînez-vous. Offre soumise à condition. Et si la première bonne résolution pour 2016 était de vous offrir maintenant votre nouvelle cuisine équipée Ego? Votre cuisine 2016 au prix 2015 et jusqu'à 60% de remise sur l'électro de votre choix. C'est maintenant et jusque fin décembre chez Ego. Ego, la cuisine de ma vie. Vivacité et Tour des sites organisation présente Christmas Lights, le conte de Noël en vidéomapping à l'intérieur de la Bourse de Bruxelles. Découvrez le Bruxelles de la Belle Époque en trois dimensions. Assistez chaque soir à cette féerie du 26 novembre au 3 janvier dans la Bourse. Info tourdesites.be. Avec plaisir d'hiver, l'avenir, Télépro et la Loterie Nationale. Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la. Ah, si la porte s'ouvre, c'est que quelqu'un entre. Jacqueline Galland fait son entrée. Jacqueline Galland, ministre de la Mobilité, chargée de Belgo Contrôle de la Société Nationale des Chemins de Fer. Ça, ce sont vos attributions au gouvernement. On les oublie ce soir. Vous êtes là parce que vous représentez clairement le gouvernement fédéral. Mettez votre casque, prenez un micro, ce sera plus simple parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Jacqueline Galland, vous êtes ici parce que cette édition 2015 de Viva for Life a connu un très grand succès, une grande mobilisation des citoyens, des bénévoles, des artistes. Le gouvernement fédéral a souhaité cette année encore soutenir Viva for Life. Oui, donc j'apporte la contribution du gouvernement fédéral, une somme de 100 000 euros. Oh là, oh là, oh là, d'accord. Attendez, est-ce que vous voulez bien répéter, est-ce que j'ai bien entendu 100 000 euros ? Oui, vous avez très bien compris, 100 000 euros, la contribution du gouvernement fédéral pour une opération exceptionnelle de solidarité, solidarité des citoyens, des entreprises, mais également des pouvoirs publics. Et donc je suis très heureuse aujourd'hui de représenter le gouvernement fédéral pour apporter cette bonne nouvelle. Le monde politique a aussi son rôle à jouer dans la lutte contre la pauvreté. C'est vrai que Viva for Life, c'est une opération d'ampleur vu la mobilisation des gens, mais effectivement le gouvernement fédéral lutte aussi, aussi de son côté contre la pauvreté, on ne l'oublie pas ça. Voilà, donc via le ministre de l'intégration sociale, Willy Borsu, et donc c'est normal que le gouvernement fédéral apporte sa contribution à cette magnifique opération, comme je l'ai déjà dit. Jacqueline Galland et le gouvernement fédéral, 100 000 euros, je le répète, merci d'être venu dans ce studio de verre. Il reste 52 minutes. Madame la ministre, tous les gens qui n'ont encore rien donné, si vous deviez les motiver, vous leur diriez quoi là maintenant ? Et je pense que on est à l'abri de rien, et donc ça peut arriver à tout le monde de se retrouver dans des problèmes difficiles financiers, dans des problèmes de précarité. Donc j'appelle vraiment l'ensemble des citoyens de ce pays, et je sais qu'ils sont très généreux, l'ensemble des citoyens de la Wallonie et de Bruxelles, de participer activement à cette opération. Il reste quelques minutes, 52, n'hésitez pas. Merci Jacqueline Galland d'être passée ici. 0800 30 007 vivaforlife.be, le SMS 4001, ça va vite le SMS, dégainez votre téléphone, votre smartphone, 4001, votre numéro de compte en espace, et derrière vous mettez le montant que vous donnez à Viva for Life. Il y a aussi le numéro de compte en banque, hein, 8 x 0 37 37, mais là je vous convie de faire exploser les téléphones du centre Enalo, 0800 30 007. On est hyper motivés. Dans une heure, on ouvre cette porte et on découvre le montant de cette édition 2015 Viva for Life. J'espère qu'il sera énorme. la musique hypnotique de M83, c'est plus facile de le dire en français à cette heure-ci, avec Midnight City. Hey, Cathy, j'adore ce morceau. Oui, moi aussi. Ah, ça tombe super bien finalement. Ben oui. Comment ça va ce soir, Cathy? Super, super. Je profite de ma soirée avec ma petite fille. Quel âge elle a, la pupus? 14 mois. Alors là, oui, vraiment, c'est un petit bébé. Et quand vous la regardez, vous vous dites quoi, là, maintenant, quand vous suivez l'opération Viva for Life et que vous regardez votre puce? Bah justement, ça touche beaucoup plus quand on a deux enfants. Et voilà, je me dis que tous les enfants devraient avoir au minimum vital et un petit peu plus, justement, pour mettre la magie au moment des fêtes. C'est pour ça que vous avez décidé en toute dernière minute, mais il n'y a pas de timing précis, on s'en fout, hein, que ce soit au début ou à la fin de l'opération. Le but, c'est de contribuer à cette opération. 50 euros dans la cagnotte de Viva for Life. Vous savez qu'il y a 140 associations qui œuvrent sur le terrain de l'enfance précarisée qui ont demandé à être subsidiées entre guillemets par le fonds Viva for Life. 140 associations. Ah oui. On part de 30 la première année. Vous vous rendez compte le manque criant dans le domaine? On a du mal à réaliser, franchement. Bah, c'est juste énorme, hein. C'est juste énorme et c'est juste scandaleux d'entendre des chiffres. 80 000 enfants de moins de 6 ans qui sont dans la précarité, un enfant sur 4. C'est juste pour ça qu'on se bat. Bah, c'est super, c'est une super action et franchement, vous êtes géniaux. C'est super. Allez, motivez les gens, il reste encore un peu plus de 3 quarts d'heure. Motivez les gens qui nous écoutent à faire comme vous et à donner la dernière minute, la dernière ligne droite. Il n'est pas trop tard. Dites-leur ce qu'il faut faire. Mais faites un don, s'il vous plaît, faites un don, ça vaut vraiment le coup parce que quand on voit le sourire d'un enfant, que ce soit les siens ou ceux des autres, ça vaut tout le bonheur du monde. Merci Cathy pour votre témoignage, merci pour vos encouragements. VivaForLife.be pour vos demandes musicales et vos dons, sinon il y a le call center 0800 30 007. Salut Cathy. Au revoir, bonne soirée, bon courage pour la fin. So friendly. Des retrouvailles, des sourires, des émotions et un Pinot des Charentes. Pinot des Charentes, à partager tout en sagesse, blanc, rouge ou rosé. À toi, vas-y. Chez Dreamland, c'est toujours moins cher. Et ah oui, la carte épargne vous réserve aussi des super réductions. Sympa, mais recommence, j'ai pas enregistré. Non, le Dreamland. Tout est plus marrant. En jouant, info sur dreamland.be. Sélection, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour échanger un cadeau de Noël. Oui, mais Noël, c'est pas encore passé, monsieur. Oui, mais chaque année, ma famille m'offre un sèche-cheveux, vous comprenez, parce que je suis chauve. Ah, ils trouvent ça drôle. Oui, non, c'est pas drôle. J'imagine que vous préférez recevoir des verres à whisky, évidemment, ou une smartwatch. Bah oui, par exemple. Choisissez le cadeau de vos rêves sur myselection.be et nous, on s'occupe d'en informer votre famille. Là. Vous feriez ça? Oui. Mais c'est super. Et des perruques, vous avez ça, des perruques? Pour vous moquer. Hein. Sélection, meilleur et pas plus cher. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Oh, une averse de petit prix. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Dis de Vos. Oui, Lemons. Ça, c'est le plus beau sapin à Noël que j'ai vu cette année. Oui. Mais elle est où l'étoile? Dis, on va pas se raconter des craquins. Hein. Quand on va servir le saumon tout à l'heure, on sait bien qui sera la vraie étoile de la soirée. Hein. Oui, la sauce cocktail. Oui. La voilà. Sur une vraie table de fête, il y a rien qui brille plus que la sauce cocktail. De Vos, Lemons. Le Théâtre de Liège présente Amnésique en musique du 29 au 31 décembre. Laissez-vous emporter dans une délicieuse poésie musicale pour les fêtes. Champagne et menu 4 services le soir du Nouvel An. Info et réservation 04 342 4x0. Joyeuses fêtes au Théâtre de Liège avec le soir RTCT Liège, La Troie et Vivacité. Vivacité à Serein en toute complicité sur 90.5 FM. Viva for life! Viva for life! La musique a du cœur. Partageons-la. Yeah. Life is Live, alors que l'émission télé vient de démarrer sur la une avec Zazie qui est sur la scène. Marraine qui est en train de chanter, Seb. Il y a Marraine qui chante, et quand tu parles de Opus, il y a le chat qui se réveille. Ouais. Est-ce qu'il y aura un lien avec les puces, les chats? Non, rien. Ah, peut-être, peut-être, il y a quelque chose. Est-ce qu'on a regardé ça? On va vérifier avant de le faire adopter. Zazie est sur la scène, on écoute. Qui est en direct sur la place de la Digue à Charleroi devant énormément de monde qui est là pour la sortie de ce cube et pour la découverte du montant tout à l'heure. Sarah, Sébastien, comment vous sentez à 40 minutes de la sortie de ce cube? J'ai faim. Moi aussi, j'ai super faim. Chips. Ah, toi aussi? Alors, ça fait 3 ans, c'est la 3e édition, Sarah et moi, et ça fait 3 ans, ça va être la 3e année où on va se ruer, mais comme des goinfres, sur des paquets de chips, que les gens vont certainement nous offrir au passage parce qu'ils connaissent notre addiction à tous les deux. Ah, ça va être génial. Et il y a des biscuits aussi qui sont dans la foule, c'est drôle, il y a des gens qui sont venus nous apporter à manger. C'est dingue. On a été nourris quand même pendant une semaine. J'ai des pralines. Et tu les as pas encore mangées? Non, c'était pour mettre dans le milkshake. Et on n'a pas bouffé le chat. On n'a pas. On s'est retenu, on n'a pas bouffé le chat. Pas encore, c'est pas fini. Patrick est avec nous au téléphone. Salut Patrick. Bonjour. Comment ça va? Bonsoir plutôt. Bonsoir, super. Bonjour Patrick. Mieux que vous probablement. Non, mais nous, on va bien, on est hyper excités, on est hyper impatients de découvrir le montant qui a été récolté. Et vous pouvez encore faire gonfler d'ailleurs, hein, 39 minutes 45 secondes pour faire vos dons. 0800 30 007. Après, c'est trop tard. Eh oui, le call center est ouvert. Patrick, vous avez donné combien? 100 euros. Yes, merci. On les ajoute. C'était pour écouter ce qu'on vient d'entendre, Life is Live d'Opus. C'était bien ça. Merci pour votre don. Pourquoi vous avez donné 100 euros, Patrick? Parce que je peux le faire et que vous avez une belle cause. Donc voilà, pour une fois qu'on peut aider les gens du pays, voilà, pourquoi pas. Eh ben c'est super sympa. Merci Patrick, on vous fait des bisous. Et vous serez là devant la télé pour découvrir dans 39 minutes maintenant le montant qui aura été récolté? Ah oui, tout à fait, j'y suis déjà d'ailleurs. Ah bah d'accord, à tout à l'heure Patrick. Salut, on vous fait des bisous. J'espère que ça montera beaucoup. Et que voilà, mais nous aussi on l'espère. On l'espère vraiment, voilà. Et on a hâte de découvrir ce montant. Merci Patrick pour ce que vous avez fait, à bientôt, voilà. Salut Patrick. Salut. Bisous. Tom Jones, It's Not Unusual. Bel accent, non? Vous trouvez pas? Trop fort. Non, c'est unusual. Unusual. Repeat after me. Unusual. Unusual. Ça va, It's not unusual. Eh bien, on écoute Tom Jones. Tom Jones. A cup of tea. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Ah non, pardon, excusez-moi. Je parle pas bien anglais. La musique a du cœur. Partageons-la avec Sébastien Nolvaux. Don't à l'instant sur Vivacité, Viva for Life. C'est un des derniers titres qu'on va écouter. Il reste 36 minutes. Le gars qui s'en va. 36 heures. On va rester finalement 36 minutes et 20 secondes pour faire vos dons. On compte sur vous encore. 0800 30 007. Et d'ailleurs, derrière le téléphone, il y a des bénévoles qui vous attendent. Il y a des bénévoles qui sont là pour répondre au téléphone depuis que Viva for Life a commencé. On les remercie. On tient vraiment à remercier tous les gens qui bossent sur Viva for Life. Les bénévoles au call center, tous les gens qui travaillent autour de cet événement, autour de cette récolte d'argent depuis une semaine, et pour certaines équipes depuis des semaines, depuis des mois. À la RTBF, il y a des gens qui travaillent toute l'année sur la préparation de Viva for Life, parce que c'est vraiment un gros boulot à mettre en place. Merci donc aux bénévoles, merci à toutes les équipes de la RTBF, aux équipes de sécurité, aux équipes de secours, toutes les équipes techniques, les radios, les équipes web, et j'en oublie les équipes télé, enfin vraiment tous ceux qui ont bossé, les équipes promo aussi qui ont fait un boulot dingue, les pouvoirs publics aussi qui ont soutenu Viva for Life, les partenaires, la ville de Charleroi. Merci à la ville qui nous a accueillis et qui a mis en place toute une structure pour qu'on puisse être là et pour pouvoir vous accueillir sur la place de la digue. Et puis, merci à vous, le public. Merci à vous d'avoir fait vos dons et de continuer à le faire. 0800 30 007. Vous avez été magique pendant toute cette semaine. C'est pas terminé. Encore 35 minutes à tenir avant que Zazie nous libère de ce cube. Et en chanson, parce que c'est plus fort peut-être que tous les mots qu'on peut dire. Merci. Merci Thomas, merci les frères, que vos lumières soient. Merci Charlie, merci Steven, Robert et toi François. On lâche rien, il reste 34 minutes 50 pour faire vos dons, c'est pas trop tard. 0800 30 007. Maintenant, dans cette demi-heure qui reste, vous pouvez encore faire la différence. Vous pouvez encore faire exploser ce compteur qu'on découvrira quand Marine Zazie nous ouvrira la porte et nous permettra de découvrir ensemble le montant depuis la place de la digue. En live sur Vivacité, sur la Une et sur le Live Center RTBF. Ça, c'est les Beatles. All you need is love. Quel beau message. C'est Virginie Dejette qui nous donne 10 euros. Merci Virginie. Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Love à l'instant sur Vivacité. On continue, on ne lâche rien. 32 minutes 20 avant que Zazie ouvre la porte de ce cube. On a besoin de vous. On l'a répété beaucoup, mais il faut composer ce numéro de téléphone si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes peut-être sur la route et vous dites « Je vais être en retard à la maison pour appeler », mettez-vous sur le côté 30 secondes, le temps de faire votre don. 0800 30 007. Il y a des enfants, 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui comptent encore sur vous jusqu'au bout. On va faire un point sur le call center dans un instant pour voir comment ça se passe au niveau des appels. On retrouve Caroline Dor juste après la pause. Kipak de Kitred Bank, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Demandez quand même à votre banque si elle a une meilleure offre et comparez sur kitredbank.be. Rio est à 9400 km de Bruxelles. 9400 km. C'est ce que Hans Van Alphen a couru en 3 ans d'entraînement au Décathlon. Ce qu'Evie Van Acker a navigué en 1 an et demi.

just why. Ça c'est bon évidemment, c'est Mark Ronson, Uptown Funk, Stéphane Astavlo, c'est ce qu'il a choisi pour 50€. On adore, bisous à tous et nous aussi on adore évidemment. 0800 48 400, des dizaines de bénévoles sont là pour décrocher le téléphone. On y va justement à Gosselies au centre NLO avec vous Caroline Dor. 0800 48 400, vous n'avez pas confondu avec le centre mobile info par hasard. C'est la 0800 30 06. 0075, vous savez, moi, Caro, aussi, d'oublier. C'est parce que vous faites la faux trafic également aussi. Mais donc oui, voilà, double confusion. Mais ceci dit, on a eu des appels ce matin au centre mobile info, donc on redirigeait vers le bon numéro ici au call center. C'est donc bien le 0800 30 007. 007, un chiffre que je ne risque pas d'oublier d'aussitôt. Et ici au call center, comment ça se passe, Sarah? Eh bien, ça se passe bien. On sent que c'est la fin de la journée. Vous allez sortir d'ici moins d'une demi-heure, mais eux, ils vont encore rester au moins jusqu'à 21h15 pour prendre les appels, pour prendre encore les dons. Donc, dans une demi-heure, vous sortez, mais c'est pas fini. Ça continue chez nous. Vous pouvez continuer à donner. N'hésitez pas, 0800 30 007. On est tous impatients ici de découvrir avec vous le montant que vous allez récolter. Et on a énormément d'appels des gens qui vous félicitent, hein, vous trois dans le cube, mais aussi de tous les bénévoles qui ont donné de leur temps, de leur passion, de leur courage tout au long de ces journées. Et on a même des appels pour eux. On dit, ben voilà, moi je mets 50€, mais c'est surtout pour féliciter les gens qui sont là. Et pour le petit Hakim qu'on a entendu plusieurs fois cette semaine, et eh bien pour lui, un monsieur a téléphoné, dit ben voilà, moi je remets 50€ en plus, j'ai déjà donné, mais je remets 50€ en plus pour féliciter Hakim et pour l'encourager à être solidaire comme il est de son jeune âge déjà. Et c'est vrai, gros coup de chapeau à tous les bénévoles, parce que demain c'est le réveillon Noël, on pourrait être chez soi en train de préparer, en train de faire les cadeaux aussi, eux ils prennent de leur temps toute la journée parfois. Merci à tous les bénévoles. La Marina de 24h, on oublie. Merci Caro, gros bisous, c'est jusqu'à 21h30 donc ce soir, l'opération se termine dans 24 ça minutes continue. Maintenant 0800 30 007 0800 30 007 Band Aid sur Viva. C'est le choix de Anne qu'on entendra tout de suite. There's no need to be afraid. At Christmas time we let in light and we banish it. And in our world we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer. Pray for the other ones at

Il reste un peu plus d'un quart d'heure. N'hésitez pas à appeler le call center 0800 30 007 vivaforlife.be. C'est pas parce qu'il reste un quart d'heure qu'on doit arrêter et se croiser les bras. On a besoin de vous. Les infos de 19h arrivent, on se retrouve derrière et on espère que ce compteur va littéralement exploser dans quelques minutes. Les piscines Leisure Pools, groupe Servimat, vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'une bonne année 2016 et vous remercie de votre confiance. Vivacité présente Ma belle-mère, mon ex et moi de Bruno Druard et Erwin Zirmi avec Christine Lemler et Franck Leboeuf le dimanche 17 janvier 2016 à 20h au Forum de Liège dans le cadre de Coup de Théâtre. Réservation 04 223 18 18. Info sur www.leforum.be avec RTC Télé Liège. Qu'est-ce qui se passe dans cette cheminée? Ne vous inquiétez pas, c'est Père Noël! J'agrandis un peu le conduit pour faire passer le cadeau! Chut, les enfants dorment! Oups, tout l'enfant. Cette année, le cadeau de Noël de vous est juste énorme! Choisissez un trio Waouh ou Tatou et recevez une télé Philips 4K Ultra HD de 108 cm. Valeur 649 euros. Demandez-la dans votre boutique vous ou au 0800 825. Il s'en passe des choses chez vous. Offre soumise à condition. Vos courses au meilleur prix, chez Colruyth, c'est notre métier. Pendant les fêtes, les grands dîners s'enchaînent. Une dinde par-ci, une fondue par-là, et encore un gourmet. Mais comme on mange rarement toutes ces bonnes choses, je connais pas les prix. Comment je fais pour trouver le moins cher? Venez chez Colruyth, pour vous garantir les meilleurs prix. Nous comparons tous les prix, tous les jours, et donc aussi pendant les fêtes. C'est ça qui fait notre différence. Colruyth, votre garantie des meilleurs prix. Jouer comme un gosse à la piscine? Aucun problème. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant et recevez jusqu'à 350 euros de réduction first minute par personne. Dites-vous, où est Lemons? J'ai écrit un chant de Noël. Ah, bien, bien, vas-y. Jingle grill, Landerloos et brochette. Oh. Tous à table. Dis, si ça, ça ne trouve pas l'ambiance en Noël, alors... Oui, mais enfin, si Landerloos suffit pas, on prend la samouraï. Oui, la voilà. La samouraï qui met l'ambiance en Noël. De vos Lemons. À table. Il est 19h. David Riffon, bonsoir à tous. Le kaki restera la couleur dominante dans certaines rues. Un mois de plus, le Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres de l'année, a approuvé le maintien de 700 militaires sur le terrain jusqu'au 20 janvier, soit donc un mois de plus que jusqu'à présent, pour assurer la surveillance de certains sites et de certaines institutions. L'organe de coordination pour l'analyse de la menace, l'OCAM, effectuera une nouvelle évaluation globale à ce moment-là. À propos de l'OCAM, autre décision, le gouvernement fédéral a désigné Paul Van Tickelt à la tête de l'organe. Dès le 1er janvier, il remplacera André Van Doren, démissionnaire. Les syndicats de la SNCB, toujours pas d'accord avec le gouvernement, mais d'accord avec les étudiants. La grève annoncée les 21, 22 et 23 janvier est postposée. Les étudiants craignaient pour leur session d'examen. On ne connaît pas encore les nouvelles dates pour ces trois jours de grève. Le préavis est maintenu pour les 6 et 7 janvier. Le gouvernement a également annoncé une réforme de la police hier. Vous le savez, plus d'hommes vont être déployés sur le terrain, mais moins de moyens sont annoncés pour la police montée. Il ne restera bientôt plus que 2 pelotons sur les 3 actuels. 80 effectifs opérationnels maintenus sur un total actuel d'environ 150 cavaliers. C'est plutôt un soulagement en fait pour la direction de la police qui craignait la suppression pure et simple de la cavalerie. Or, le rôle de la police montée a déjà prouvé maintes fois son utilité. Benoît Van Aout à la tête de la direction sécurité de la police fédérale. La plus-value d'utiliser le cheval dans notre métier, mais elle est évidente et elle est multiple. Donc le cheval est sympathique, on vient vers lui, on parle plus facilement au policier qui est à cheval qu'au policier qui est en voiture. Le policier est mieux vu, il voit mieux, il a un capital sympathie, pas le policier, hein, plutôt le cheval. Mais il est aussi efficace au moment où il faut intervenir. Donc il est vraiment dans toute la palette de nos interventions. Il est intéressant depuis le premier contact et la fonction d'accueil jusqu'à la fonction d'intervention et il peut repasser de l'un à l'autre très facilement. Ce que ne peuvent pas faire les autres moyens spéciaux. Hein. Une arroseuse, elle reste dans le concept d'intervention et elle ne peut pas aller dans l'accueil. En tout cas, je n'arrive pas à imaginer ça. Propos recueillis par Hélène Maquet. Alain Hubert annonce avoir gagné une manche contre l'État belge. Le fondateur de la station polaire internationale Princesse Elisabeth y est interdit de séjour depuis le 10 août dernier par la secrétaire d'État chargée de la recherche scientifique, Françoise Berlaimont. Aujourd'hui, l'explorateur a décidé de s'exprimer. Alain Hubert est à l'initiative de ce projet ambitieux qui associe partenaires privés et État belge depuis 2007. Très vite, des dissensions apparaissent entre l'administration et Alain Hubert pour conflit d'intérêts. En août dernier, la secrétaire d'État, Elke Slurs, signe un arrêté royal qui évince la Fondation Polaire et son président. Alain Hubert part alors en catimini récupérer du matériel. La justice est saisie plusieurs fois en référé. Il y a quelques jours, la Cour d'appel de Bruxelles a autorisé Alain Hubert et sa fondation à accéder à la station, mais seulement après le 23 février et uniquement dans certaines limites. Un inventaire contradictoire doit être établi, estime la justice, et personne ne peut s'approprier du matériel d'ici là. Alain Hubert, lui, on appelle aujourd'hui au dialogue. La Cour invite les parties à se mettre autour de la table pour négocier un nouvel accord de partenariat pour l'organisation des expéditions futures. Donc c'est une porte ouverte et je crois que c'est la chose la plus importante à retenir pour l'intérêt général, pour l'intérêt de ce projet, de la Belgique et de son image dans le monde et de l'efficacité aussi de tout cela. Du côté de la secrétaire d'État, on affirme avoir toujours été ouvert au dialogue. En Espagne, on connaît un des grands vainqueurs de la loterie de Noël, une véritable institution. Là-bas, un Sénégalais a remporté un gros lot, 400 000 euros. Un Sénégalais au parcours hors du commun. L'homme est arrivé il y a quelques années à Tenerife, en pirogue. Il a travaillé ensuite dans des serres en Andalousie. À son arrivée, il n'avait même pas, selon lui, 5 euros en poche. Du football ce soir, nouveau match d'alignement en Pro League. Anderlecht se déplace à Lokeren. La rencontre avait été annulée il y a un mois pour cause de menaces terroristes. Coup d'envoi 20h30. En cas de succès, Anderlecht reprendra la deuxième place au classement à 3 points de Gand. Et puis après 144 heures enfermées dans le cube de Viva for Life, pour la bonne cause, nos trois animateurs, Sarah, Sébastien et Cyril, s'apprêtent à sortir de leur studio de verre où ils se trouvent depuis 6 jours à Charleroi, 6 jours et 6 nuits. La marraine de l'émission, Zazie, doit venir leur ouvrir la porte dans quelques minutes. Les dons ont à nouveau afflué ces dernières heures. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est toujours temps pour quelques petites minutes encore. 0800 30 007. C'est la fin de ces informations. Très bon début de soirée. On retrouve Adrien Demey tout de suite pour un point RTBF Mobile Info à 19h05. Ça se décante sur nos routes. La chaussée est à présent dégagée sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure. Plus d'entraves à hauteur de Grand Bigard vers Zaventem. Le temps que les quelques fils présents dans ce secteur se résorbent, évidemment. Ça s'est également sensiblement résorbé à l'approche de la frontière française. Je parle trop vite car selon le dernier recensement, on aperçoit justement un effet inverse. Le retard est à nouveau plus conséquent. Une vingtaine de minutes perdues sur cette E42 venant de Mons en direction du poste frontière de Anzy sur ce tronçon. Comptez une bonne vingtaine de minutes donc perdues en direction de la France. À défaut de vous offrir la voiture de vos rêves, craquez pour un luxe abordable. Du caviar au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. For life. Sarah Depadua, Sébastien Nolvaux et Cyril. On est là avec vous sur Vivacité, sur le live center rtbf.be pendant encore 8 minutes. Moins de 10 minutes. Oui. Tic tac. Mais il est encore temps de faire vos dons. Dépêchez-vous. Allez-y. C'est la dernière ligne droite. C'est le sprint final. 0800 30 007. Zazie est de retour à ce studio. Il faut faire des dons maintenant. Hein, oui. C'est maintenant. Ben oui, dépêchez-vous. Dans 7 minutes 45 précisément, tu nous ouvres la porte. Je vous ouvre la porte, oui, exactement. Mais tu as bien trouvé la clé maintenant. Avec un plaisir. Oui. Ah. Je ne vous dis pas où elle est parce que vous allez me sauter dessus. Il y a des chances. On continue à partager la musique que vous aimez, la musique que vous avez envie d'écouter. Pour ça, 0800 30 007. Vous pouvez encore faire vos dons par SMS aussi, 40 01. Vous mettez votre numéro de compte, un espace et le montant que vous avez envie de donner à Viva for Life. Il y a un titre qui a été demandé par Marc de Grimbergen. Marc, il a demandé Van Halen. Ah, Jump. Il est là au téléphone. Marc, vous êtes là? Oui, salut Cyril. Vous salut. Êtes un des derniers à faire un don. C'est super sympa ça, vous avez donné combien? C'est magnifique, right on time, pas trop tard, pas trop tôt, juste comme il faut. Et vous avez donné combien d'euros? 50 je crois. 50. Yes. Merci Marc, c'est top. On vous fait des bisous, bonne soirée, merci pour les enfants. Bravo à vous et à toute l'équipe. Plus que 6 minutes 53, on revient en direct dans un instant. And nothing gets me down. Van Halen avec Jump. On va sauter, j'espère qu'on va sauter en l'air dans quelques instants. Regardez Sarah et Cyril, il reste 4 minutes, c'est juste énorme. 4 minutes, et puis Zazie, t'as la clé? Oui, je l'ai. Ça va, non, oui, ça je l'ai. Non, mais où est-ce que ça m'inquiète, ça m'inquiète. On va bientôt sortir et surtout découvrir le montant de cette opération 2015 de Viva for Life. On a hâte, on a franchement vraiment hâte. La musique a du cœur, on la partage, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, 0800 30 007. Un petit David Guetta avec Sia et Titanium qui va nous emmener jusqu'à la délivrance, on va dire ça. Tout petit, hein, tout petit David Guetta. Adrien, en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ça va bien se passer. Quoi ? Mais en fait, on va rester une heure de plus. Parce mais que non, vous rigolez. En fait, on s'est concerté. Oui, là maintenant. Et on a décidé un truc. Hein. Excuse-nous, Adrien, pardon. Hein. Mais vous restez encore une heure ? On reste une heure parce qu'on veut plus de sous. Ouais. Et c'est incroyable. Je les enferme. Allez, au revoir. Bon, okay, allez, bon, allez, je te pousse. Au revoir. Désolé. Écoutez, dans cette opération Viva for Life, c'est le cube qui prend le pouvoir. Ah ben voilà, c'est Zazie qui prend le pouvoir, c'est la marraine, et elle a décidé de les laisser une heure en plus dans le cube. Mais tout ça pour la bonne cause, pour vous permettre de faire encore un don d'ailleurs au centre Enalo. Ça s'active, Julie. Ok. Julie, on vous retrouve en direct du centre Enalo. Comment faire un don? Oui, Anne-Laure, et l'ambiance bat son plein aussi ici au centre Enalo, bien sûr. Alors les bénévoles sont beaux, ils sont chauds, ils se mettent à fond vraiment pour récolter tous vos dons. Et parmi les bénévoles, un invité de marque ce soir, c'est le grand patron, le maître de ces lieux, c'est Luc Bouille. Bonjour, alors comment ça va, patron? Bonsoir Julie, ça va très très bien, et donc c'est un grand plaisir qu'on se remobilise pour la 3e année pour vous et pour cette belle cause qu'est Viva for Life. Ah bah, en tout cas, ça nous fait bien plaisir, et vous êtes à l'œuvre là. Ah, je pense que tout le monde est bien au taquet ce soir, en tout cas, et nous y compris. Donc je remercie tous les bénévoles qui sont encore présents ce soir et qui ont répondu à l'appel. Oui. Et d'ailleurs, on va voir si les bénévoles sont chauds, évidemment. Alors les bénévoles, est-ce que ça va? Ouais. Vous voyez, hein, nous sommes tous là au taquet. Je vous rappelle le numéro de téléphone 0800 30 007. On a besoin de vous. Ils sont là, place de la digue. Évidemment, vous allez profiter de cette heure en plus pour faire un don 0800 30 007. Oui, et nous, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout à l'heure. Mais il faut réexpliquer le contexte. Hein, donc, normalement, les animateurs du cube qui étaient dans le cube là devaient sortir là depuis quelques minutes. Et en fait, Zazie, la marraine, en concertation avec les trois animateurs de Vivacité, elle a décidé de les garder une heure en plus. Vous devez être généreux, on compte sur vous, c'est super important. C'est vraiment le moment de faire un don. Et du coup, on se retrouvera un peu plus tard, juste après le journal télévisé, ouais. Évidemment. On se retrouvera ici en direct, place de la Digue, à Charleroi, pour la sortie du cube des animateurs, la vraie, cette fois, du moins on espère. Ils vont peut-être prolonger encore une semaine. Je ne sais pas, on va voir. Ce sera la surprise des chefs. En tout cas, ce qui est très très chouette, c'est qu'il y a énormément de monde ici, sur la place de la Digue, à Charleroi, énormément de monde pour soutenir cette opération Viva for Life. Est-ce que vous êtes là, Charleroi? On vous entend pas. Ils sont là. Ils sont bien là. C'est bon. Ils sont prêts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter. On va se retrouver juste après le JT, toujours en direct sur la Une. Ce sera aux alentours de 20h10. Restez là. Et pendant le JT, vous faites des dons pour Viva for Life. À tout de suite. Zazie arrive, elle va chanter. Oui, Zazie. Au revoir, à tout de suite sur la Une. Pouvoir parler. C'est beau. Je vous présente Nicolas Fiesman. Il est belge. Il est solidaire aussi. J'envoie des kisses, donne des bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi je m'en moque, j'en vois valser les trucs en toc, les cages dorées. Car quand on s'aime très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. Oh, c'est beau. J'envoie des qui se lancent, des regards et des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs, entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu comme nous, qui nous aimons beaucoup. Et d'envoyer ailleurs valser les bagues et les cœurs en collier. Car quand on s'aime très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. Moi je vous tire mon chapeau quand même, hein, tous les trois. Moi pour toujours, j'envoie valser l'épreuve d'amour en or plaqué. Puis disent que tu me sers très fort, c'est là mon trésor. C'est vous qui valez de l'or. Ah, rien que pour ça, alors ça vaut le coup de rester. Alors on peut l'applaudir sur la place de la digue, franchement on peut l'applaudir. Zazie, on a donc décidé de rester une heure de plus ensemble. Mais c'est très courageux, surtout pour vous. On fait de la radio, on se relaye derrière les manettes. Moi j'ai un truc à proposer, on va prendre encore des gens au téléphone, on va lancer de la musique. Ça te dit de venir prendre les manettes moment? Ah oui, je suis là. Si la régie peut me dire ce qu'on fait là maintenant, et puis après je fais un rapide cours, je fais un rapide cours à Zazie. Mais c'est un simile de DJ, s'il te plaît. Voilà. Ça peut pas être pire que quand Cubi monte sur la console. C'est vrai qu'il fait un petit peu n'importe quoi. C'est sympa pour Zazie. Cela dit, ça peut pas être pire que nous aussi. On est crevé, on fait aussi un petit peu n'importe quoi. La musique a du cœur, on la partage. Je vais vous reléguer. Le 0800, les amis, c'est pas fini. Hein. On a décidé de rester encore une petite heure. 0800 30 007 vivaforlife.be. Viva for Life. Tout à fait, c'est pas compliqué, il faut juste appuyer sur la manette, appuyer sur le bouton rouge et dire n'importe quoi. C'est pas maintenant. Tu dois lire ça. C'est pas du tout maintenant. Okay. C'était Kids MGMT Radio Edit, voilà, interprète machin tagada. Une demande de Julie. C'était une demande de Julie, de Jérôme aussi, de tout le monde qui habite à Saint-Médard en plus et qui ont un téléphone super et qui ont fait un don de 40 euros. Génial. Wow. On met la pub, on se retrouve après. Non. Je crois que je vais te laisser faire. Non, alors, la pub, c'est ce bouton-là, tu peux y aller. Vas-y. Allez, marraine, tu peux le faire. Non, mais celui-là. Non. Ok, attends quoi. Attends, non, mais non, parce que j'appuie là. Voilà, c'est fait. Salut, c'est Louane. Nous sommes les Innocents. C'est Marie Warnant. Sono Laura Pausini. Faites comme nous. Faites un don. Faites un don. Faites un don. Soutenez Viva for Life. La musique a du cœur. Alors partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. Avec le soutien de la Loterie Nationale. CCML Show soutient Viva for Life pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Vivacité présente Viva for Life Volume 3, la double compilation. Avec toute la musique de Vivacité, Pharrell Williams, The Avenger, Black M, Alain Souchon, Maître Gims, Alice on the Roof, Sam Smith. 40 titres, la compilation qui a du cœur, au profit de Viva for Life, en vente partout et sur la boutique RTBF. Sur la lune. De l'avis des experts, le millésime 2015 de Drôle de Bêtisier est exceptionnel. Excusez-moi. Le millésime 2015 de Drôle de Bêtisier, c'est vendredi soir sur la Une. Père Noël, attendez. Pas le temps, je file chez Cash Converters. Pas bête ça pour les bons plans cadeaux. Cash Converters vous aidera à trouver quel paquet placer sous le sapin. Cash Converters. 4 magasins dans la région, à Ans, Herstal, Liège et Serein. Viva for Life, la musique est du cœur. Partageons-la. Coup de fil, c'est un coup oui, de fil. Oui, c'est un coup de fil et quand il y a une sonnette comme ça, mais c'est Damien en fait. Ah bonjour Damien, comment ça va le Damien? Ça va super, et vous? Mais génial. Ah, écoute Damien, je crois que tu as demandé un morceau de Louis Armstrong, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui, mais alors pour ça, tu as donné combien? S'il vous plaît. Est-ce que tu as fait un don? Oui, bien sûr. Oui. Génial. Tu et peux nous dire en, le montant? En toute dernière minute, le don où vous avez... En fait, on a fait un petit projet pour le repas de famille. C'est que chaque personne faisait un petit don pour une association qui c'est tient génial. À cœur. Ouais. Et donc voilà, moi je me suis dit, bah, c'est le bon moment, il reste plus beaucoup de temps, donc fonce. C'est vrai, vous avez raison, il n'est pas trop tard. Regarde, on a décidé de rester une heure de plus. Donc ouais, il faut bien. Faire exploser super, le... Exploser. Mais non, mais en même temps, on a une marraine de choc et de charme qui nous a convaincus assez vite. Hein. Ouais, en revanche, en tant qu'animatrice radio, je pense que je vais vous laisser faire, les gars. Hein, parce bah, que... Chacun son métier, ah non, en tant que chanteur. Bonjour à Zazie, attendez, je vais dire bonjour à Zazie pour une fois que je passe à la radio. Ah ben bah bonjour Damien, vraiment. Sinon, tu animes et puis nous, on chante une de tes chansons. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que ça serait. Attendez, nous, on chante Zazie, c'est super dur. Non, c'est pas très dur. Tu vois. Tu sais quoi, moi je propose, on va écouter le disque de Damien et puis on va en essayer une. On écoute. On va trouver les paroles. La musique a du cœur, on la partage. C'est Louis Armstrong que vous avez voulu entendre. Tout à fait. Pourquoi cette chanson? Voilà. En même temps, oui, si le titre Wonderful World, évidemment, on se doute un petit peu. Hein. Voilà, je pense que c'était bien choisi. Et bah, belle bravo, soirée, Damien. Belle fête de fin d'année, Damien. À salut, vous Damien. Aussi, c'est super ce que vous avez fait. Tout gros fait. Bisous. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, as I think to myself, what a wonderful. Quel monde merveilleux, et c'est vrai que vous nous l'avez encore prouvé pendant ces 144 heures, vous avez été magnifique. Vraiment, franchement, on a été un petit peu sur le cul, appelons ça comme ça, Cyril, par la mobilisation des gens qui sont encore là par milliers sur la place encore ce soir, de la ville. Il y a eu un monde de dingue, et puis ce soir encore, cette place est noire de monde. Il y a tellement de monde qu'on n'arrive pas à voir jusqu'où il y a du monde. Non. Alors, les gens ont donné, on a hâte, franchement, de découvrir le montant de ce compteur, mais pourquoi donner? C'est la question qu'on nous pose souvent. Ben, c'est facile, c'est pour offrir, entre autres, des activités de loisirs et d'éveil à tous les bambins qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je rappelle qu'ils sont 80 000 en Belgique francophone. 1 sur 4 de moins de 6 ans n'a pas l'occasion de s'offrir des activités de loisirs et d'éveil. En ce moment, vos enfants profitent peut-être de cette période pour participer à des activités comme ça. Malheureusement, de nombreux enfants chez nous, je le disais, n'ont pas la possibilité de profiter de ces activités extrascolaires essentielles dans leur bien-être et leur développement. Vos dons permettront aux associations d'accueillir plus d'enfants précarisés dans les activités parascolaires. C'est pour ça qu'il faut donner. Là, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est la troisième édition. Généralement, ça s'arrête à zéro. Là, on est à plus de 10 minutes déjà. Donc on prolonge. Et alors, c'est le JT qui vient de démarrer sur la une. On ne sort pas avant la fin du JT. Non, on revient à 20h10. Et là, je crois que là, on sortira quand même. Ouais, bon, il faut quand même arrêter. On est d'accord. On a quelqu'un au téléphone. On a Brigitte Dambourg au téléphone. Bonjour Brigitte. Bonjour. Comment ça va Brigitte? Ben, ça va très bien. Vous faites quoi de beau là en ce moment? Eh bien je vous regardais. Donc je regardais l'émission Viva for Life et puis là maintenant le JT vient de commencer. Et là vous vous dites, ils ont bien du courage de rester encore un petit peu. Bon, je suppose qu'en compagnie de Zazie, c'est plutôt agréable. Oui, on va vous l'appeler. Zazie, est-ce que tu peux revenir deux secondes? Parce qu'on a Brigitte, en ligne. On a Brigitte en ligne qui justement met le casque. Oui. Comme ça tu l'entends. Attends, on a je Brigitte. Le chapeau parce que je peux pas mettre. Oui, ça va être difficile. Brigitte, Zazie, Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Zazie. Je disais justement que vous pouviez, c'était agréable de rester une heure de plus en votre compagnie. Bah vous savez, pour moi ça fait une heure de plus, mais il faut quand même penser à Sébastien, Sarah et Cyril qui sont là depuis. On n'est plus à une heure près, mais quand même, enfin c'est la moindre des choses. Moi ça me fait plaisir d'être avec eux ils ont tellement la pêche. Il y a le chat qui est tout à fait en descente, il est en train de roupiller sur la table, mais. La musique a du cœur, on la partage. C'est le slogan de cette opération, c'est les auditeurs qui font la programmation musicale. Ici, Brigitte, vous aviez envie de partager quelle musique? Ça fait mal. Je pense que c'est mon mari, en fait, qui l'a. C'est une chanson. Ça fait rien. C'est une chanson de qui? De Zazie. Comment ça tombe bien? Mais c'est comment? Et si on avait dû chaque fois qu'une personne demandait à un artiste avoir l'artiste en plateau, voilà. Ça aurait été un petit peu compliqué au niveau de l'agent. Ici, on a une chanson de Zazie. On va essayer de chanter. On n'a pas les paroles. Et tout à fait. Bon, j'ai une petite bronchite, mais ça va être très sympa. Nous aussi, on va essayer de. On va essayer de chanter. Brigitte, vous nous aidez un peu aussi. Nous aussi, finalement, on a une bronchite. On va peut-être pas massacrer le morceau. On a une Brigitte. On a une Brigitte. Merci Brigitte. Merci. Belle soirée, belle fête de fin d'année. Je rappelle le numéro du call center parce qu'il n'est pas trop tard. 0800 30 007. Ça fait mal et ça fait rien. Je me souviens plus de mon passage, dis donc. C'est pas grave. On va t'aider. Combien de mots dans la phrase? Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la guitare. On se jette à la figure. Moi, je fais la guitare. Combien de fleurs dans le vase? Ça fait très bizarre de s'auto-chanter. Ouais, comme hein. Ça. Moi, je fais le fan. Zazie! Oh yeah. Ouais, ou alors je fais des Gainsbourg derrière. Vas-y. C'est ça, petit gars. Vas-y. Mais ouais. Eh oui, deux idiots. Salope, sa petite saleté. C'est pas terrible avec la bronchite. Hein. Non, on va laisser la chanson au final. Ou alors je le fais en bas. On n'a pas l'habitude non plus de vous entendre. Non, c'est ça, c'est mon père. Tonalité. Thank you. C'est assez drôle d'avoir Zazie dans la radio. Et Zazie, à 5 mètres de nous, qui est en train de faire des petits autographes dans le cube de verre. Pas du tout, je suis sur tous les fronts. Partout, mais effectivement. Mais merci de vivre notre quotidien depuis 6 jours. Les réseaux sociaux étaient hyper actifs, hein, Cyril, ces derniers jours. Ça a été intense. On a battu des records cette année sur les réseaux sociaux. Il y a eu des réactions un peu partout en Belgique, mais dans le monde entier également. Il y a des gens qui ont soutenu Viva for Life. Au total, on a reçu des messages de plus de 120 000 personnes pendant ces 6 jours et 6 nuits ici dans le cube. Donc merci beaucoup pour tous vos messages. On n'a pas eu l'occasion de répondre à tout le monde, mais on a lu franchement tous les messages. Vous avez été aussi des centaines à participer au défi que Zazie, tu as lancé, le défi Zazie. Parfaitement, avec les mains et les noms sur les mains. Exactement. Les mains sur les noms. On l'a fait nous aussi. On l'a fait, on l'a tous fait. Vous avez été super nombreux à le faire. Alors, les top 3 des moments qui vous ont fait le plus réagir sur Facebook. En troisième position, il y a la révélation du nom de notre petit chat, Cubby. On aurait dû l'appeler, je sais pas moi, Dormeur. Ouais. Ah oui, il ne fait que dormir. Paresseux. Mais on ne se connaissait pas à l'époque. Alors, il y a le moment d'émotion de Sarah aussi qui vous a beaucoup ému. Oh, merci pour tous vos soutiens. J'ai pas l'occasion de répondre à tout le monde, mais franchement, merci, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et alors, il y a eu une belle histoire qui a été aussi l'occasion d'un craquage de l'équipe. C'est Geneviève. Geneviève qui était ici à la boîte, qui nous a raconté son histoire et qu'on a retrouvé après, puisque quelqu'un lui proposait un boulot. On a réussi à la retrouver. Sébastien, tu avais lancé cet appel. Et donc, Geneviève, on espère que tout va bien se passer pour elle. Et bien sûr, sur la page Facebook, vous retrouvez toutes les infos, toutes les photos, toutes les vidéos de ce qui s'est passé. Et on vous remercie puisque le site a été visité plus d'1 500 000 fois. C'est énorme, hein. Énorme. Merci à vous. Mais c'est pas fini. Vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux. Exactement. On est d'accord. Et faire des dons. 0830 007. C'est maintenant, c'est la dernière ligne droite, faut y aller, hein. Et faire quelques dons si je ne m'abuse. Ben oui. La force est puissante dans notre famille. Rendez-vous sans plus attendre dans l'univers Fiat pour profiter de conditions exceptionnelles de fin d'année sur toute la gamme. Embarquez vite chez votre distributeur Lana. Lana, boulevard Xénogramme 33 à Herstal. Bonjour, c'est Jean-Marc Dessert. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Préparez vos cadeaux de Noël chez Intersport Liège. Venez vite découvrir un très grand choix de cadeaux ski, surf, running, casque, chaussures, veste, pantalon, sous-vêtements techniques. Et profitez de nos départements location et entretien. Intersport Liège, à Chénet, quai des Ardennes, 1200 m² dédiés au sport. Intersportliège.be. Pardon, excusez-moi. Pour rentrer sans payer au salon de l'auto de Bruxelles, soit vous courez plus vite que le gardien, soit vous courez chercher le moniteur automobile. Dans le numéro spécial salon, il y a une carte d'entrée gratuite pour la nocturne du lundi 18 janvier. Plus le grand tour des nouveautés à voir au salon de Bruxelles. Le moniteur automobile avec l'entrée gratuite pour la nocturne du salon. Maintenant chez votre libraire. Viva for life. Viva for life. La musique a du cœur, partageons-la. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. Kicked in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. Story that I've ever told. No hope, love, or glory. Metallica Happy Ending. On espère vraiment une happy ending ici tout à l'heure quand on découvrira le montant qui s'affichera sur l'écran de la place de la digue. On espère battre des records. Ce sera, si on y arrive, en partie grâce à vous, Catherine, qui est au téléphone. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Comment ça va? Bah, bien, et vous? Ça va très très bien, j'adore votre bonne humeur, cette super ambiance que vous avez là, c'est génial quoi. Bah, c'est super, ça fait plaisir. Pourquoi ça vous tenait à cœur de donner 100 euros, Catherine? Bah, parce que j'ai pas eu l'occasion de participer l'an dernier, que je m'en voulais un peu, et puis la Noël c'est un moment magique, donc je veux que tout le monde soit heureux, et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu participer. Eh bah, c'est super sympa, il y a des enfants qui grâce à vous vont pouvoir avoir leur quotidien amélioré, et ça c'est hyper important. Merci à vous Catherine, on vous fait des énormes bisous qu'on envoie du côté de Dilbeek puisque c'est là-bas que vous êtes. Oui. Salut Catherine. Avec plaisir, nous aussi on vous embrasse très très fort par ici. À bientôt, il y a tout à l'heure en direct juste après le JT sur la Une pour voir le résultat de votre mobilisation, voir tout l'argent que vous avez donné pour améliorer la vie de ces 1 enfant sur 4 qui vivent dans la pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. On continue, on lâche rien, il est 19h45, le JT vient de démarrer il y a 15 minutes, donc on a encore au moins 20 minutes avec vous. Pendant ces 20 minutes, on vous demande de vous déchaîner. 0800 30 007. Faites vos dons, faites exploser ce compteur. On est resté une heure de plus. Zazie a pas voulu qu'on sorte, on s'est concerté, on s'est dit ok, pendant une heure, pendant le JT, on se défonce et on y va jusqu'au bout. 0800 30 007 pour continuer à faire vos dons et choisir la musique. On a encore le temps d'écouter quelques morceaux. Et par exemple, celui de Pharrell Williams, Happy, c'est 80 euros de plus qui arrive. C'est un choix, merci. C'est qui a choisi ça? Eh ben c'est Joséphine, Gaspard, Félix, Victor et voilà, c'est toute la famille, c'est la famille Hubin. Génial. C'est génial, c'est sympa, on l'écoute. Happy, nanana. Non, c'est pas ça. Because I'm happy. Ah voilà. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Pharrell Williams a été demandé par la famille Hubin et la magie de la radio, c'est qu'ils sont là au téléphone. Non, dis-moi si, pas que c'est pas vrai. Si, carrément. C'est dingue, bonjour la famille. Salut. Comment ça va? C'est qui de la famille qu'on a au téléphone? C'est Victor. T'as quel âge? Victor. J'ai 13 ans. Salut. Ça va bien? Ah, Victor. Ça va, ça va. Toute la famille est autour de toi, il y a Félix, il y a Gaspard, il y a Joséphine. Félix n'est pas là, mais ils sont là sinon, les autres. Bah il est où Félix? Félix il est chez un copain. Ah, okay. Ouais, il est en train de faire des conneries. Ouais. Bah, bravo. Quel âge il a Félix? Pardon? Il a quel âge Félix? Il a 10 ans. Ah non, ça va. Il est en train de faire une cabane probablement, il est en train de foutre le bordel, peut-être qu'il joue avec des pétards. Ah peut-être. Et voilà, bravo. ça fait combien d'euros qui rentrent grâce à la famille Hubin? 80 euros, ça c'est énorme. Merci beaucoup la famille. Tiens, restez au téléphone, bougez pas parce qu'on va aller au call center. Vous avez appelé le call center juste avant, il y a quelques minutes. Oui. Bah oui, bah on a Caroline Dor qui est au call center. On va essayer de réunir yes. plein de gens. Caroline, ça va? Oui, vous aussi, je suis en bonne compagnie. Vous êtes avec qui? En plus, j'ai une centaine de bénévoles et puis j'ai aussi le Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour, bonjour. Il a voulu remercier les bénévoles ici On s'arrête tout de suite. Le Père Noël, il dit pas oui. bonjour, bonjour, il dit ho, ho, ho. Mais moi, j'ai un Père Noël qui dit bonjour. Je fais pas les choses à moitié. Vous l'avez remarqué tout au long de cet après-midi. Je me donne. Donc, j'ai trouvé un Père Noël qui disait bonjour. Bonjour, Père Noël. Bonjour tout le monde. Ah, vous voyez, j'ai trouvé le Père Noël qui dit bonjour. Voilà. C'est pas le vrai. On salue encore d'ailleurs toute l'équipe du call center. Ça oui, continue à appeler. Boulot merveilleux. Ben oui, ça n'arrête pas. Et puis vous prolongez d'une heure, ben on prolonge d'une heure aussi, vous voyez. Désolé pour les bénévoles, on a rajouté un petit peu de temps pour eux. Je crois qu'ils sont ravis. Non, ils sont contents, ils adorent ça. Hein 0800 oui. 30 007. Vous continuez à appeler. 007. La famille, vous êtes toujours là, la famille Hubin? Oui, oui. Ne raccrochez pas, on rajoute quelqu'un. On va tenter un truc. C'est un truc de fou. Victor est avec nous. Non, c'est Daniel. Daniel qui est là, de Tillier. Salut Daniel. Bonjour. On n'arrive plus à parler à cette heure-ci. Bonjour Daniel. C'est pas grave. Bonjour. Daniel, la famille Hubin, Daniel, le call center, Caroline Dor, voilà, tout le monde est là. Le Père Noël, pas oublié le Père Noël. Ah oui, bonjour. Mais Père Noël, bien sûr. Daniel, vous avez envie d'écouter quoi? Magic System. D'accord. Alors, on écoutait Pharrell Williams il y a un instant, on va écouter les Magic System pour la suite. Je voudrais qu'on fasse un truc. On écoutait Happy il y a un instant. Est-ce que et la famille Hubin, et le call center, et Daniel, et les et gens, les sur, gens la sur la place de la digue peuvent chanter Happy? Est-ce que vous nous entendez sur la place de la digue? Ouais, parfait. Est-ce que vous êtes prêts à chanter sur la place de la digue? Je crois qu'ils sont chauds là. Alors, Cyril, allez. On fait quoi? Approchez-vous, les gens du call center, venez chanter Happy. Vous êtes prêts? Happy, on va le faire tous ensemble. Attention. 3, 4. 3, ça va être beau. 4. Happy. Happy. En fait, on dit juste Happy. Hein. Oui, c'est ça, on dit juste Happy. Cause I'm happy. On vous entend pas, place de la digue? Elle ferme à vous. Cause I'm à vous. C'est un petit peu le bordel ton truc. Cause I'm happy. Oui, c'est le bordel. Si on s'est dansé sur Magic hier, par contre, là, ça ah, va marcher. Ça peut faire un truc. La famille Hubin, on vous fait des bisous. Salut, le call center. Courage pour les dernières minutes. 0800 30 007, vous continuez à les appeler. Daniel, il a demandé pour 40 euros d'écouter le son des Magic System, Magic in the Air. Et ça, on peut faire. Tout ça. Le monde les mains en l'air sur la place de la digue ici à Charleroi. Vous pouvez suivre ça en direct sur le Live Center, vivaforlife.be. Et puis tout à l'heure, on sera en direct à nouveau sur la Une. nous suivez sur le Life Center. Vous êtes sur la place de la Digue. On veut vous entendre, place de la Digue. On veut vous voir. Il y a une ambiance de tonnerre de feu. C'est assez impressionnant. Allez, on lève les mains en l'air. On a choisi une marraine qui est aussi fracasse que nous, finalement. Zazie, vous auriez pu être là pendant 144 heures. Bonsoir, hein. Mais qui êtes-vous? Elle est prête pour l'année prochaine. Okay. Je pense qu'elle est prête pour l'année prochaine. 0800 30 007, il n'est pas trop tard, on le répète, il n'est pas trop tard pour faire des dons. On est encore dans ce cube de... attends, le JT, il va se terminer. Quelle heure il est? J'ai plus de repères, moi. Il est moins de... Les infos de 20h arrivent. Donc, en gros, dans 10 minutes, un quart d'heure, on devrait pouvoir sortir et découvrir le montant de cette action. Viva for Life 2015. Oui, ce serait gentil. Mais Zazie, vraiment. C'est là qu'elle regarde dans ses poches, elle se dit merde, les clés. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait des clés, dis donc. Ça, c'est fâcheux. Non, je les cherche. Ça, c'est fâcheux. 0800 30 007, vivaforlife.be. Les infos de 20h arrivent. Et on se retrouve juste après, évidemment, parce qu'on va poursuivre la fête. Il n'y a pas de raison. Yes. Attention, grêle de bonnes affaires. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Bonne soirée à tous. Cette nuit sera calme avec des minima de 4 à 8 degrés. Attention, visibilité localement réduite à cause des nuages bas et un petit peu de brouillard possible dans les vallées de l'Ardenne. Demain, on retrouve un ciel assez gris pour commencer la journée. Les éclaircies seront beaucoup moins larges qu'aujourd'hui, mais le temps devrait rester sec, en tout cas en journée, 9 à 13 degrés. Ça deviendra plus menaçant et pour la soirée et la nuit du réveillon, on s'attend au passage d'une zone de pluie de faible intensité. Le jour de Noël, ce sera donc de la grisaille, encore un petit peu de bruine sur les hauteurs, et puis dans le courant de l'après-midi, une autre zone de pluie un petit peu plus active qui arrivera par la frontière française. Noël au balcon, puisque nous aurons des températures comprises entre 6 et 10 degrés. Enrico Macias et les 500 choristes. Concert exceptionnel à la Grande Église de Banneux Notre-Dame, dimanche 24 janvier. Retrouvez Enrico Macias, cet artisan de la paix, dans une ambiance très familiale, accompagné par 500 choristes. Un beau cadeau à offrir pour les fêtes, avec Beobank, Fleron, Herve, Pepinster. Info solmania.be. Des fêtes sans feu d'artifice? Et pourquoi pas la dinde sans marron tant qu'on y est? Le plus grand choix de la région vous attend chez Thierry Albert à Louvigné. Fusée, fontaine, volcan, pétard, tout, absolument tout pour être le champion du feu d'artifice de votre quartier. Thierry Albert, spécialiste du jardinage et en hiver du feu d'artifice. Rue du Péréon à Louvigné, ouvert 7 jours sur 7. Liquidation totale avant déménagement chez Timistère à Herve. Moins 30% sur toute la collection hommes et moins 40% pour les femmes. Dépêchez-vous. Ouverture les dimanches 27 décembre et 3 janvier. Timistère, Outrecours à Herve. Vivacité et la Une présente. Le Festival du Cirque Européen fête son 25e anniversaire jusqu'au 3 janvier dans le Parc d'Avrois de Liège. Le plus beau spectacle de cirque traditionnel. Avec cette année, la Reine des Neiges et le clou du spectacle, Vénus des USA, les cascadeurs à moto dans la sphère d'acier. Info 04 222 28 82. So cooking. Un plat qui mijote, quelques épices et un Pinot des Charentes. Pinot des Charentes, à savourer tout en sagesse, blanc, rouge, rosé. Dis de Vos. Oui, Lemens. Ça, c'est le plus beau sapin à Noël que j'ai vu cette année. Oui. Mais elle est où l'étoile? Dis, on va pas se raconter des craques, hein. Quand on va servir le saumon tout à l'heure, on sait bien qui sera la vraie étoile de la soirée, hein. Oui, la sauce cocktail. Oui. La voilà. Sur une vraie table de fête, il y a rien qui brille plus que la sauce cocktail. De Vos, Lemens. Il est 20h. David Riffon, bonsoir. 20h et ils ne sont toujours pas sortis du cube. Place de la Digue à Charleroi, Zazie, la marraine de Viva for Life, a décidé de garder Sarah, Cyril et Sébastien une heure de plus pour que les dons soient encore plus importants. Les trois animateurs doivent donc sortir vers 20h15 dans un petit quart d'heure. Après 144 plus une, 145 heures enfermées 6 jours 6 nuits pour la bonne cause, celle des enfants qui vivent dans la pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce n'est qu'ensuite que le montant récolté sera dévoilé. Une plantation de cannabis découverte à Borglone, en province de Limbourg. 1300 plants au total. Le propriétaire de l'immeuble qui abritait la culture a été placé sous mandat d'arrêt. Cette culture était installée dans un garage et quelques autres pièces situées en retrait de cette maison. 15 crèches de la périphérie bruxelloise en Brabant flamand ne respectent pas les règles linguistiques imposées par un décret flamand entré en vigueur le 1er avril 2014. Le personnel de ces institutions ne maîtrise pas assez le néerlandais. Faute de changement, elles pourraient perdre leur agrément auprès de Kint en Huizen, le pendant flamand de l'ONE. Les responsables des crèches doivent démontrer leur connaissance du néerlandais depuis 2009. Le nouveau décret, donc depuis avril 2014, impose aussi qu'au moins un des membres du personnel d'encadrement dispose d'une connaissance active du néerlandais. 75 banques suisses collaborent avec les autorités américaines. Elles ont accepté de lever le secret bancaire pour leurs clients américains et de payer au total $1 milliard d'amende dans le cadre du plan anti-évasion fiscale lancé en 2013 par Washington. Les États-Unis avaient ouvert ce programme de régularisation aux banques suisses désireuses d'éviter des poursuites pénales en échange du paiement d'amende et d'une coopération pleine et entière avec les autorités américaines. Ces 75 banques sont désormais tenues de dévoiler entièrement leurs activités transnationales et de fournir des informations détaillées sur les comptes dans lesquels des contribuables américains ont un intérêt à la fois direct mais également indirect. Football, nouveau match d'alignement ce soir en Pro League. Anderlecht se rend à Lokeren. Cara fait son retour en défense centrale côté Anderlechtois. Coup d'envoi de ce match 20h30. En cas de victoire, les Mauves reprendront la deuxième place du classement, 3 points derrière le leader, la Gantoise. Fin de ces informations, très belle soirée. Il est 20h02 et 30 secondes, petit détour par le centre Perex. Adrien Demey, ça roule ? Ça roule bien, pas de perturbations importantes signalées au centre mobile info. Ça roule même mieux vers la France via le 42 venant de Mons. Vous perdez encore quelques minutes, mais ça roule mieux. Quelques minutes donc perdues à l'approche de cette frontière de Anzy en direction de la France. À défaut de vous offrir la voiture de vos rêves, craquez pour un luxe abordable. Du caviar au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva for life! Viva for life! Sarah Depadua, Sébastien Nolvo et Cyril. Et Zazie qui est... Et alors, c'est la dernière ligne droite, mais elle me paraît bien longue, cette ligne droite. Depuis tout à l'heure, on n'a plus de compteur, on n'a plus de chrono ici en studio. Donc on ne sait pas. Alors, c'est une idée concertée avec Zazie et Sarah et Cyril et moi de rester une heure de plus pour faire péter le compteur. Elle est longue, cette... Elle est très longue. Elle est très longue. La musique a du cœur, on peut la partager, puisqu'on n'a pas encore fini. Il n'est pas trop tard pour commander cette musique. On vous met quelques exemples. Quand t'es venu. Ah ouais. Je crois qu'on connaît encore tous les paroles, ça. Mais tu savais qu'il y avait dans la maison d'à côté. Non, t'es le seul à les connaître. Ok, d'accord. Mais oui, bien sûr. Vous pouvez aussi demander cette chanson-là. Ça, on connaît les paroles aussi, non? Non. Ça, ça va, mais moi, j'étais pas née personnellement encore. Non, ben, moi non plus, en fait. Moi, on a le même âge, c'est pour ça. Merci patron. Mais ça, tu sais quoi? Ben ça, on peut le dire en direct à la radio. Merci patron de nous laisser libre antenne quelque part pendant 144 heures où on a fait un petit peu n'importe quoi, mais c'est pour la bonne cause et c'est ça qu'on va retenir. La musique a du cœur, on la partage 0800 30 007. Il n'est pas trop tard, il n'est vraiment pas trop tard. Soyez généreux, donnez. Donnez. Give me. Un truc comme ça. Men After Midnight, non, on s'en fout. C'est juste de l'argent qu'on veut pour l'enfance défavorisée. On est encore ensemble pendant quelques minutes et on va bientôt sortir pour découvrir le fameux compteur de cette opération 2015 de Viva for Live. Mais il n'est pas trop tard pour faire un don. 4001, votre numéro de compte en espace et le montant que vous dédiez à la cause. Ou 0800 30 007, c'est le numéro du call center. Abba, gimme, gimme, gimme. C'est gimme, une demande gimme, d'Isabelle de Bruxelles et un don de 100 euros dans la cagnotte de Viva for Life. On a Nathalie en ligne, on est à Soumagne avec Nathalie. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ah oui, c'est reparti. Ah, il y a le deuxième. Attendez. Il y a le deuxième compteur qui vient de se relancer. Donc dans 8 minutes 50 secondes, on sort. Mais on sort vraiment cette fois-ci. Et Marais nous l'a promis, on sort vraiment. Dites, et donc il n'y a pas d'heure pour le faire, mais il reste 8 minutes. C'est le... Oui, ben nous on l'a fait il n'y a pas longtemps non plus. Ah, merci. Bien. Et vous avez mis combien dans la cagnotte? On a mis 50 euros. Et on vous en remercie. On rappelle une dernière fois peut-être qu'on bosse pour 80 000 enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, 1 sur 4 en Belgique francophone. C'est interpellant et on a hâte de découvrir le compteur dans quelques minutes. Vous avez demandé quelle musique, Nathalie? Calogero. Eh bien, c'est parti. Belle soirée et belle fête de fin d'année à vous. Merci, Joyeux Noël. Merci, vous aussi. On ne retient pas l'écume dans le creux de sa main. On sait la vie se consume et il n'en reste rien. D'une bougie qui s'allume, tu peux encore décider du chemin, de ton chemin. Yala. Beau message de paix. Excellent message de paix. L'occasion pour nous une dernière fois de non pas ce, non pas un message attendez, de paix comme explique. Ça. Non. Cyril me dit j'ai une grosse boule au ventre. Oui, laisse-toi aller, laisse-toi. De stress, j'ai envie de découvrir ce montant dans 5 minutes 50 là. Et je dis laisse-toi aller, je dirai rien. C'est comme ça qu'on voulait vous dire merci, c'est vous montrer la magie de Viva for Live, une magie entre émotion, entre joie, mais toujours de la solidarité pour cette belle opération Viva for Life pour les 80 000 enfants qui vivent dans la pauvreté, Anne-Laure. Oui, vous nous retrouvez à l'instant à la fois en télé et sur Vivacité, là où l'opération radio évidemment continue, se poursuit dans le cube. Et justement, Zazie, je voulais voir un peu avec vous l'ambiance, ce mélange entre tristesse aussi et joie, tout ce qui se passe. Oui, je pense que c'est très très chargé d'émotions pour nos trois animateurs. Et puis quand même, je suis contente parce que pour le moment, ils m'ont laissé cette petite chose qui s'appelle une clé. Et je pense que c'est vraiment le moment d'aller les délivrer maintenant. Ben oui, vous avez raison, Zazie, de mettre un peu la pression. Puisqu'en effet, dans quelques minutes, on va pouvoir les délivrer. Mais je voulais vous présenter aussi notre maître de cérémonie ce soir. Il va mettre le feu sur la place de la Digue à Charleroi. Mesdames et messieurs, le DJ Carolo Kid Noise. Il reste 53 secondes avant que nos animateurs ne soient libérés de ce cube dans lequel ils sont restés pendant 144 heures sans manger. 145 heures. Oui, 145 heures, c'est vrai, évidemment, il y a eu une heure de plus. Ils n'ont pas mangé de nourriture solide, ils n'ont mangé que de la nourriture liquide et ils se sont relayés sur les antennes de Vivacité. Ils vont sortir dans 30 secondes. On va bientôt pouvoir compter et lancer le décompte tous ensemble ici sur la place de la Digue de Charleroi. Je peux vous dire que tous les appareils photo sont dégainés, tout le monde est prêt. Zazie, attention, je tourne la clé. On va compter à partir de 10. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien prendre l'air. Oh mon lapin, mon Raphaël. Un très beau moment. Les animateurs qui traversent la foule et qui sont remerciés par tout le personnel de la RTBF, hein, ouais. Tous les gens qui se sont mobilisés, qui ont travaillé ici pour Viva for Life. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Merci. Il y a même des centaines de personnes. Oui, des centaines de personnes. Merci à tous. Il y a plus de 150 personnes qui travaillent. Et il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent ici sur cette scène, place de la Digue, alors que les animateurs continuent leur chemin. C'est somptueux. Merci Charleroi. Ils sont acclamés par la foule. Voilà. Ils en profitent pour serrer les mains, pour faire des câlins aussi. Ils tombent dans les bras de leur nounou. Sarah qui monte les escaliers de la scène. Venez, venez. Cyril. Sarah qui retrouve ses enfants. Cyril qui va retrouver ses parents. Bravo Cyril, bravo Sébastien, bravo Sarah. Ils sont là, ils sont sur la scène. Nous aussi, hein. Voilà, on profite de ce moment où, forcément, on retrouve la liberté, c'est l'émotion. Voilà. D'être ici, et sur la scène. On va bientôt découvrir, dans quelques minutes, ce que cette belle opération Viva for Life a rapporté grâce à votre générosité, grâce à la générosité de tous les acteurs sur le terrain ici, voilà. À Charleroi, sur la place de la Digue. On va peut-être prendre les impressions. Voilà, on va prendre l'attention ici. Sarah, vous venez de retrouver vos enfants, je sais. L'émotion est à son comble. Et on a envie de faire avec vous le bilan. Viens là, Raphaël, viens là, chérie, reste près de maman. On avait envie de faire le bilan avec vous de cette opération 2015. Oh là là, que d'émotion grâce à vous. Merci à tous et merci à toute l'équipe de la RTBF. Je suis très fière de travailler pour cette boîte. Et vive Vivacité, la meilleure des radios et les meilleurs des collègues. Merci tout le monde. Super tout au long de ces 144 heures. Il y a eu un monde comme ça quasi tous les soirs. Vous avez un cœur comme ça. Vous qui êtes ici à Charleroi, vous qui nous regardez, qui avez participé à cette opération d'un peu partout en Belgique francophone. Merci, sans vous, on n'aurait rien fait. Merci à vous Sébastien, merci Sarah, Cyril. C'était merci. Votre première, c'était votre baptême du feu. Comment ça s'est passé globalement? Ça s'est bien passé, plein d'émotions parce que vous avez été terrible, plein de témoignages, plein de messages sur les réseaux sociaux. sociaux. Merci, vous êtes géniaux. Merci. Ici à Charleroi et partout en Belgique. Merci. Merci, merci à vous d'être resté dans ce cube. Et justement, vous étiez quatre dans ce cube parce qu'il y avait aussi Cubi, ce chat qui était venu via la SPA. Il est resté dans le cube parce que lui, il a encore envie de se faire un peu plaisir. Non, mais vous inquiétez pas. Il a envie de rester encore un peu au chaud. Cubi va bien et surtout, vous étiez nombreux à nous demander, mais que va-t-il devenir, ce chat? Bah, on va le faire adopter et il y a eu de nombreuses demandes. Et c'est la SPA qui a fait une sélection parmi plus de 200 lettres de motivation et qui a choisi une super famille pour Cubi. Et ce sera à Mont-sur-Marchienne que Cubi va se rendre après. Voilà, pas très loin d'ici. Il ne devra pas faire un trajet trop long. Allez, dans quelques instants, on va enfin découvrir le montant total de cette opération Viva for Life. Il y a intérêt à faire exploser la cagnotte. Continuez à appeler 0800 30 007. Vous n'hésitez pas, mais en attendant, Sarah, Cyril, Sébastien, on avait quelque chose pour vous, on avait envie de vous remercier, on avait envie de vous féliciter pour ce magnifique défi, et on n'est pas les seuls, ce sont tous les Belges qui ont envie de vous remercier. Et c'est derrière vous, regardez. Sarah, Cyril, Sébastien, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, chapeau d'avoir transmis toutes les émotions. Un super grand merci, c'est fantastique ce que vous faites pour tous ces enfants. Merci. On est vraiment, vraiment très fiers de vous et très fiers de vos efforts. C'est super ce que vous faites. J'ai la chair de poule rien que d'y penser, moi. Merci et bravo pour tout ce que vous faites. On vous suit, on vous embrasse tous les trois, toute l'équipe technique, la nounou et le chat. Voilà, continuez, continuez, continuez. On est tous fiers. Vous êtes vraiment des héros. Bah, merci pour tout ce que vous avez fait pour les enfants. Merci Cyril, merci Sarah, merci Sébastien. On vous embrasse et on vous aime. Merci pour votre générosité. Merci pour eux. Un bon retour chez vous ce soir, près de vos familles, et un joyeux Noël. Si on vous aime. On vous aime. Bon retour. Voilà, vous méritez au moins ça. On les remercie pour ce défi de 145 heures. Zazu, vous les avez trouvés comment sur ce coup-là? Oh, bah, c'est émouvant, hein. Moi, j'essaye de tenir, mais je ne sais pas comment vous avez fait pendant tout ce temps. C'est pareil pour nous. C'est émouvant, voilà. C'est la machine à laver émotionnelle et c'est ça qui est beau aussi. Ça donne le sens de la solidarité. Et vous savez, Marraine, ce qui va encore plus nous donner de l'émotion ce soir, c'est le montant qu'on a récolté pour cette opération 2015. Et la tension monte. La tension monte, effectivement. Je veux juste encore avoir une petite réaction avant de découvrir ce montant. Vous avez des espérances inouïes? On veut juste découvrir, là. Faut y aller maintenant, arrêtez. Oui, en fait, c'est vrai, c'est vrai que c'est une torture. Pas spécialement d'espérance, mais voilà, on sait ce qu'on a fait, on sait pourquoi on l'a fait. J'entendais, vous êtes des héros. Ben non, on a juste fait notre boulot, tout simplement. Et c'est les associations qui bossent toute l'année qui sont des héros, c'est vous. On a juste pris sur nous pour une vraie belle cause, et donc voilà, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas, 0800 30 007, soutenez encore cette opération Viva for Life, il vous reste quelques minutes encore. Oui, mais pas quelques minutes, parce que là, les animateurs sont autour du buzz, et c'est eux qui... Il faut répondre à une question. Non, c'est pas question pour un champion. Go, un buzzer qui va nous permettre de dévoiler et de connaître le montant récolté pour ce Viva for Life 2015. Alors, ils vont appuyer sur le buzzer. Donc, comptez avec moi, Zazie. 3, 2, 1, on y va. Les chiffres vont défiler. C'est parti. Le suspense est intense. Va-t-on faire mieux que l'année dernière? Va-t-on dépasser les 2 104 000 euros cette année? Oh, j'y compte bien, alors. Je crois très fort. En vous et en cette mobilisation exceptionnelle qu'on a connue cette année, merci. Vous avez été formidable et je suis sûre que ça va se marquer sur le compteur. Et je propose que ce soit Zazie qui donne la somme. Non. C'est Zazie qui va donner la somme. Magnifique. Quel magnifique montant, 3 millions. 28 755 euros. 28 755 euros. On l'espérait, on n'hésite pas à y croire. 3 millions de superbe montant. Merci à tous pour votre générosité. Merci aux trois animateurs Vivacité. Et il faut dire que ce montant, on voit le chèque à Bruxelles aussi, ouais. Ce montant s'affiche en ce moment sur la tour Belfius à Bruxelles et on partage cette belle émotion, voilà, avec les Bruxellois sur cette tour Bellufius qui s'illumine à la lueur de ces 3 028 755 euros. On ne sent la... Et vous savez quoi? C'est pas tout à fait fini parce que vous pouvez encore appeler le call center, hein, le 0800, le 0800 30 007. Vous n'hésitez pas, vous appelez le call center. Il sera encore ouvert jusqu'à 21h. Donc faites un don, c'est important. On continue à recevoir vos appels. C'est Julie Compagnon, hein, qui reçoit vos appels. C'est Julie Compagnon qui, et c'est bénévole, qui est toujours au call center. Enalo, je pense qu'il serait important maintenant de faire réagir notre absolument général, administrateur général. Ah, Julie. La FBF qui arrive dans un instant. Et on fait le point d'abord avec vous, Julie, en direct du call center Enalo. On vous écoute. N'oublie pas, Et oui, vous avez été nombreux à nous envoyer des dons par milliers. Bravo, bravo à vous. Vraiment, on a explosé le compteur. C'est vraiment grâce à vous. Mais n'oubliez pas que nous avons encore une demi-heure pour récolter vos dons. Une demi-heure, les bénévoles sont encore là. C'est très important pour les enfants, pour qu'eux aussi passent un Noël inoubliable. Alors, je vous rappelle le numéro de téléphone. C'est le 0800 30 007. 0800 30 007. Encore pendant une demi-heure, on compte sur vous. Merci Julie, vous aussi vous avez été formidable tout au long de cette opération, vous avez fait le relais avec ce call center Enalo et les animateurs qui ne se lâchent pas de ce beau chèque. Il est fantastique ce chèque, il est formidable. Bravo. Directeur général de l'RTBF est à mes côtés, bonsoir monsieur Philippot. Bonsoir. On ne peut être que touché et fier par cette grande mobilisation, une mobilisation exceptionnelle pour cette opération 2015. Je suis d'abord très ému parce que pendant 145 heures, ce sont des témoignages bouleversants, troublants, d'une pauvreté qu'on oublie parfois alors qu'on la croise. J'ai ému également d'être ici à Charleroi. Une solidarité et une énergie que vous nous avez inspirée qui nous a permis de dépasser tous nos objectifs. Et puis enfin, je suis fier. Fier de vivre dans un pays où la solidarité se traduit au quotidien et où on est tous solidaires. Il n'y a pas des grands et pas des petits. Et puis pour terminer, je suis très fier de pouvoir travailler avec cette formidable équipe dans cette belle entreprise qu'est la RTBF et de partager avec vous ce formidable succès. Merci. Merci à vous, merci beaucoup pour ce succès effectivement. Renaud Tocker, vous êtes l'administrateur délégué de Cap 48. C'est important de savoir ce qu'il va être fait avec l'argent. Bien sûr, bien sûr. Et d'abord, c'est un énorme merci qu'il faut adresser à toute la population et à Charleroi en particulier. Merci Charleroi. Et nous vous avons parlé pendant cette semaine de ces fameuses 142 associations qui ont déposé un projet. Eh bien, elles sont là, les besoins sont extrêmement importants. Dès le mois de janvier, le jury Viva for Life va se réunir. Dans le courant du mois de février, les décisions seront prises. Et nous pouvons vous assurer que dès mars, les financements seront octroyés et les premières actions en faveur des familles que nous avons rencontrées seront mises en route. Cela ira très vite parce que pour nous, c'est une urgence pour vous, mais c'est aussi une urgence pour toutes les familles auxquelles nous pensons beaucoup. Merci beaucoup Renaud Tocker. Je vous rappelle que vous pouvez encore faire un don. Le call center est ouvert. On va tout doucement se quitter ici en direct de la place de la Digue de Charleroi. Je voudrais remercier Zazie aussi pour avoir... C'est un plaisir. Super bien, super marraine, vraiment. On va... Les animateurs ont retrouvé leur famille. Aussi. Ouais. Voilà, les familles qui étaient là pour les accueillir, les enfants de Sarah, les parents de Cyril et la sœur de Sébastien. Salut Louis et Jeanne. Voilà, on va se quitter avec un super concert puisque c'est Kid Noise qui va mettre le feu ici sur la place de la Digue à Charleroi. Il a décidé de soutenir Viva for Life jusqu'au bout et nous, ça nous fait trop plaisir. Voilà, on vous quitte. Merci pour cette mobilisation. Merci pour ces belles soirées que vous nous avez fait vivre. Merci de nous avoir suivis sur la Une. Excellente soirée à tous. Et n'oubliez pas, la musique a du cœur. Partageons-la. You'll never be lost as long as you.